pas oublier que l'arrivée du rock aussi, le côté ségrégation raciale, il y a une dimension politique là. La musique rock, comme on parle de musique populaire, a eu des retombées très importantes dans ils ont dansé sur les mêmes rythmes, quoi, les blancs et les noirs. Ça a fini comme ça, quoi. Voilà. Qu'on trouve pas ici. Chez nous, le rock n'a pas cette dimension-là, forcément. Hein.